Michée chapitre 4. Mais il arrivera au dernier jour, que la montagne de la maison de l'Éternel, sera affermie au sommet des montagnes, et sera élevée par-dessus les coteaux, les peuples y aborderont. Et plusieurs nations iront, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera touchant ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Il exercera jugement parmi plusieurs peuples, et il censurera fortement les grandes nations, jusqu'aux pays les plus éloignés, et de leurs épées elles forgeront des joyaux, et de leurs hallebardes des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et elles ne s'adonneront plus à la guerre. Mais chacun s'assiera sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne qui les épouvante, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Certainement tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce temps-là, dit l'Éternel, j'assemblerai la boiteuse, et je recueillerai celle qui avait été chassée, et celle que j'avais affligée. Et je mettrai la boiteuse, pour être un résidu, et celle qui était éloignée, pour être une nation robuste. L'Éternel régnera sur eux en la montagne de Sion, dès cette heure-là toujours. Et toi, tour du troupeau, Ophel, la fille de Sion viendra jusqu'à toi, et la première domination viendra, le royaume, dis-je, viendra à la fille de Jérusalem. Pourquoi t'écris-tu maintenant si fort? N'y a-t-il point de roi au milieu de toi? Ou ton conseiller est-il péri, que la douleur t'est saisie comme de celle qui enfante? Sois en travail, écris, fille de Sion, comme celle qui enfante, car tu sortiras bientôt de la ville, et tu demeureras au champ, et viendras jusqu'à Babylone, mais là tu seras délivré, là l'Éternel te rachètera des mains de tes ennemis. Et maintenant se sont assemblées contre toi plusieurs nations, qui disent, qu'elles soient profanées, et que notre œil voit en Sion ce qu'il y voudrait voir. Mais ils ne connaissent point les pensées de l'Éternel, et n'entendent point son conseil, car il les a assemblées comme des gerbes dans l'air. Lève-toi, et foule, fille de Sion, car je ferai que ta corne sera de fer, et je ferai que tes ongles seront d'airain, et tu menuiseras plusieurs peuples, et je dédierai comme un interdit leur gain à l'Éternel, et leur bien au Seigneur de toute la terre.